répond. Fricassu, qu'est-ce qui fricassu? Fricassu, qu'est-ce qui fricassu? Aujourd'hui c'est l'alcool pas select. J'suis toujours le meilleur de la sélection. Bientôt on crie ensemble pull-up select. La concurrence est décédée, tu le sais, ma gueule on frappe fort comme les Yankees. La patate est trop forte à mon goût, je crois qu'ils en redemandent un peu comme les Yankees. À la fuite les mecs ça passe. Tour de taille qui met le stress. Une erreur et c'est bon tu te casses. J'vois des flics et les stups dans la tête. Un gros gros salam à mon ex. Moi j'vais bien et toi j'espère tu flex. Le volume à 30 pour les caisses. Pour les radars j'passe en flèche. Jungle, j'allume le béton au feu rouge et direct les pétons sentent l'odeur de la purple.